Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber. Chapitre 7. Suite. Sixième douleur. La descente de la croix. Afin donc de comprendre la souffrance intolérable que l'absence de la vie en Jésus causa dans le cœur de Marie, il faudrait savoir ce que la vie de son fils avait toujours été pour Marie. Mais cela est hors de notre portée. Nous ne pouvons à cet égard que faire des conjectures et des calculs, et alors, soyons certains que la réalité dépasse de beaucoup les calculs les plus hardis. Ici encore, les annales de la douleur humaine nous aident à établir une comparaison. Qui n'a pas connu des exemples de cette perfection d'amour conjugal où l'époux et l'épouse ont tellement vécu l'un dans l'autre, que la vie de l'un est inhérente à la vie de l'autre. Chacun a supporté les soucis de l'autre, un cœur se reposait sur l'autre, et ils palpitaient ensemble d'une seule pulsation. Ils se servaient même des sens l'un de l'autre, en les empruntant si affectueusement, que l'on était porté à sourire en voyant une telle simplicité et une telle confiance d'amour. La voix, l'expression, les gestes, la démarche, les manières et mille autres petites choses sans nom n'étaient que la révélation extérieure de l'unité intense de l'intérieur. De longues années ont formé des habitudes dont la rupture serait une véritable mort. Les expériences de la vie, ces alternatives de jours sombres et de jours sereins, leurs larmes et leurs sourires, leurs pertes et leurs compensations ont achevé de mouler ces deux cœurs en un seul. Les deux personnalités sont confondues, Dieu seul les voit d'une manière claire et distincte, et les juge chacune dans sa sphère de louange et de blâme, de mérite et de démérite. La mort vient, nul pouvoir dans la nature, si ce n'est l'inexorable mort, n'oserait dissoudre violemment une union si exquise et si délicate. Et quelles en ont été les conséquences? Il est devenu évident qu'il existait presque une réalité physique, dans cette unité de deux personnes très aimantes. Car maintenant que l'une d'elles reste seule, le courant en est presque interrompu. Elle s'amoindrit et se dessèche, comme une fontaine pendant l'été. Elle ne peut se suffire à elle, elle ne peut s'alimenter elle-même. La source qui est seule ne peut tenir lieu de deux. Le survivant est donc incapable de faire face à la vie. Son esprit succombe accablé sous le moindre fardeau. Ce n'est pas seulement que la moitié de sa force l'a quitté, c'est quelque chose de plus. Il est, à la vérité, aussi faible et aussi défaillant qu'un homme que la perte de son sang fait mourir. Il n'est plus complet. Il ne peut plus faire face aux flots ordinaires de la vie de chaque jour, ni leur résister aux besoins. Peu importe avec quel calme la vie puisse couler, elle est trop pour lui. Il s'affaisse, languit et meurt en autant de mois que la décadence physique peut le demander, et sa mort est en elle-même moins une mort qu'une partie et un complément de la mort d'un autre. Ces deux vies n'en étaient qu'une, les deux morts n'en sont qu'une non plus. C'est là une chose, dont nous avons été tous témoins. Mais elle ne faisait plus verser de larmes, car elle ne faisait que parfaire et compléter. Ici encore nous n'avons qu'une ombre imparfaite de l'union de Jésus et de Marie, cependant elle nous aide à pressentir quelle douleur accablante doit avoir été pour son tendre cœur la cessation de la vie de Jésus. Ce fut l'abîme le plus profond auquel atteignit la sixième douleur. Une autre particularité de cette douleur est la responsabilité, qui formait une part si lourde de la troisième, mais qui ne s'était nullement présentée durant la quatrième ou la cinquième. C'est le sentiment de la responsabilité de Marie touchant le corps sacré de son fils, maintenant réduit à une impuissance plus grande que celle de la première enfance. Personne ne comprend comme elle combien ce corps est adorable. Qui en prendra soin si ce n'est elle? Mais, elle aussi est réduite à l'impuissance. C'est le même sentiment qui pénètre l'Église tout entière touchant le Saint-Sacrement. Dans l'Église, c'est un sentiment d'anxiété, c'est aussi un sentiment de joie suprême. Mais en Marie, c'était une douleur multiple. Au milieu de l'affliction, la responsabilité est une peine nouvelle. Cependant, c'est une des lois providentielles de l'affliction que celle-ci nous met toujours devant les yeux de nouveaux devoirs, et cela précisément au moment où nous semblons le moins capables d'y satisfaire convenablement. Le chagrin est une de ces choses qui concentrent, et qui cependant ne simplifie point, comme la concentration le fait le plus souvent. Il est une perplexité plutôt qu'une lumière. Il multiplie nos occupations, et non nos loisirs. Rien ne condense autant la vie que la douleur. Rien ne précipite autant le grand travail de l'expérience. Rien ne dote notre nature d'accroissement plus magnifique dans nos facultés. Une vie de joie est pour la plupart du temps superficielle et sans solidité. Peu d'héroïsmes se produisent dans la joie, quoique celle-ci ait aussi ses profondeurs lumineuses qui sont pleines de Dieu. Mais c'est l'affliction qui fait les saints, voilà le véritable procédé de la transmutation de la terre impure en un métal pur et céleste. Voilà pourquoi Dieu nous traite si durement dans l'affliction, sa sagesse rend son amour cruel. Cette responsabilité nouvelle et intolérable dont l'arrivée, en apparence inopportune, dans les temps d'affliction, et si accablante, est l'un de ses dons les plus précieux. Chaque responsabilité de cette nature renferme peut-être une crise de vie. Les obligations de Marie touchant le corps de notre Seigneur furent aussi une douleur pour elle, à cause de la circonstance du temps et du lieu. La violence et la cruauté régnaient souverainement. De barbares exécuteurs et des soldats brutaux étaient les rois du calvaire. L'outrage et la souillure n'étaient pas à proprement parler des chances, mais, selon les probabilités humaines, elles étaient d'inévitables nécessités. La rupture des jambes, la lance de Longin, la précipitation à faire tout disparaître pour le commencement du sabbat, la malice des Juifs, la manière dont Pilate leur avait cédé, le sort ordinaire des corps de ceux que la justice avait mis à mort, la commodité même du Golgotha où les croix avaient été élevées, le fait qu'il y avait à disposer des trois corps et non d'un seul, toutes ces choses étaient autant de risques terribles pour la sécurité du dépôt gardé par Marie. Une troisième circonstance pénible de cette responsabilité était le sentiment de sa complète impuissance. Que pouvait-elle faire? Était-il en son pouvoir d'éloigner ou même de détourner, dans une autre direction, aucun des dangers qui l'entouraient? Et cependant, les conséquences du moindre faux pas étaient trop effroyables pour qu'on puisse les contempler. Même pour nos pensées, au milieu d'une calme méditation, il y a quelque chose de plus horrible, en quelque sorte, dans l'idée que le corps de Jésus tomba dans les mains souillées de ces hommes féroces, après sa mort, que pendant sa vie. Nous frémissons à l'idée de cette possibilité. Quelle doit donc avoir été l'agonie du cœur si pieux de Marie, pour lequel ces horreurs étaient visibles et imminentes? Lorsqu'à cela se joignait le sentiment que le soin du corps lui appartenait, et la connaissance qu'elle était aussi impuissante que l'était la moindre mère d'un odieux criminel, que même, tout bien considéré, elle était plus impuissante, car ses réclamations auraient provoqué l'insulte, tandis que celle d'une mère ordinaire aurait excité la compassion. De cette responsabilité provenait encore la détresse de la terreur. C'était une nouvelle sorte de terreur, la crainte du sacrilège. Nulle personne attentive, et l'amour nous rend tous attentifs, ne peut s'empêcher d'être frappé du rôle que joue la terreur dans les douleurs de notre Sainte Mère. Ce sentiment se montre en relief presque partout dans les douleurs de Marie. En traitant de la seconde douleur de notre Mère, nous avons vu quelle énorme surcroît d'affliction la crainte nous amène. Essayons maintenant de conjecturer pourquoi la crainte remplit une fonction si éminente dans les afflictions de Marie. En premier lieu, la crainte peut avoir été une épreuve spéciale de sa grâce spéciale, la tranquillité. Cette tranquillité, comme nous l'avons déjà vu, est un élément essentiel dans la véritable idée de Marie. Elle n'est peut-être pas tant une grâce distincte que le firmament, nommé à juste titre un firmament, dans lequel sa pureté, son humilité et sa générosité étaient placées pour briller. Dans chacune de ses douleurs, et la même remarque est aussi bien applicable à ses joies, il y avait toujours quelque chose qui éprouvait particulièrement sa tranquillité, depuis l'Annonciation jusqu'à la descente du Saint-Esprit, quelque chose qui, par sa soudaineté, sa véhémence, son horreur, ou par le frémissement et l'effort qu'il provoquait dans la nature humaine, paraissait devoir particulièrement troubler la paix intérieure de Marie, et diminuer et faire cesser pendant un moment la majesté calme et progressive de son repos de reine. Mais la crainte est, de toute chose, la plus opposée à la tranquillité. De là ces variétés de la terreur, que nous avons découvertes dans les douleurs de Marie, tantôt commençant à poindre dans le lointain, tantôt menaçant de près, quelquefois visibles à la surface, d'autres fois agissant en dessous dans les replis de son cœur. Peut-être toutes ces terreurs lui étaient-elles envoyées pour éprouver, et par suite perfectionner et exalter sa céleste tranquillité. En second lieu, il était nécessaire qu'une sainteté comme celle de la Sainte Vierge fût mise en creuset par des épreuves proportionnées à sa grandeur. Or, il y avait plusieurs zones des tentations les plus affligeantes, tandis que la sensibilité consommée de sa belle et délicate nature devait rendre la terreur une épreuve très poignante pour elle aussi bien que pour Jésus qui commença à craindre et à être appesanti. Lorsque le crucifiement de son âme atteignit à son paroxysme dans le jardin de Gethsémanie. Ainsi, en ce qui concerne Marie, il se peut que la terreur eût à condenser en elle-même l'énergie, les propriétés et les peines de tentations innombrables, dont Marie n'eût pu recueillir les fruits, à cause de son entière impeccabilité. Telle fut peut-être, nous pouvons le supposer en toute vénération, la raison de l'étendue de la terreur dans les afflictions de la Sainte Vierge. Mais, advienne que pourra de cette explication, le fait même est l'un de ceux que nous ne devons jamais perdre de vue, si nous voulons nous former une idée juste de ce que souffrit Marie. La responsabilité n'amène pas seulement la crainte, elle produit aussi l'isolement. Nous pouvons être isolés dans le monde, sans savoir combien nous le sommes en effet. Nos parents peuvent nous avoir délaissés, et le lien qui nous unit à ceux qui nous entourent immédiatement, peut être formé de substances beaucoup plus fragiles que le sang de la parenté. Mais nous sommes robustes et en bonne santé. Si jusqu'à présent la vie nous a épargné ses plus grands maux, nous sentons que nous pouvons assez bien nous suffire. Dans un bel endroit, par un beau jour, en parfaite santé, le sentiment de la solitude n'est guère que de la poésie. Mais que la douleur arrive, et sans nous dépouiller de notre monde domestique, qui depuis longtemps est dépeuplé et forme un désert triste et accablant, qu'elle nous montre que nous sommes dépouillés. Et nous fasse sentir l'horreur de la solitude, qu'elle nous fasse sentir que nous sommes seuls, peut-être sans la consolation de qu'un, celle de pouvoir errer en liberté. Alors il suffit qu'une nouvelle responsabilité vienne se joindre à notre affliction pour que le sentiment de notre désolation soit complet. À chaque moment nous avons besoin de quelqu'un. Nous attendons, mais on ne vient pas. C'est une folie d'attendre. Ils ne peuvent venir, ceux qui devraient venir. Nous le savons, et néanmoins nous attendons. Il y a des voix qui devraient maintenant nous parler, nous donner des conseils comme autrefois, mais elles sont muettes. Il y avait des bras sur lesquels nous avions coutume de nous appuyer. Nous les cherchons à tâtons dans les ténèbres, et ils n'y sont pas. À chaque instant un nouveau besoin frappe à la porte, mais c'est comme s'il heurtait la dalle d'un tombeau depuis longtemps fermé, et le cœur se sent défaillir en entendant les échos profonds que nous avons éveillés en frappant. Et cela est d'autant plus pénible à supporter qu'il s'agit des profondeurs intimes de l'âme. Nous voilà seuls. Pour nous ce fait est ancien et familier, mais le sentiment en est nouveau et terrible. Ainsi la solitude forme une partie de la sixième douleur. Ce n'était pas cependant une solitude complète. Marie ne devait atteindre, à ce point que dans la septième douleur, mais la solitude commence pour elle dans la sixième. Quand l'âme de Jésus quitta Marie, le monde lui parut un effroyable désert, le sentiment de ses obligations touchant le corps de son Fils, rendit encore plus vif ce sentiment de solitude, il la pénétra plus profondément, et avec plus d'angoisse, du sentiment de son impuissance, et elle le sentit qui la perçait comme de très aiguë et rapide, par la terreur qu'elle ressentait en songeant que quelque sacrilège pouvait être commis. Et malgré les terreurs de cette solitude, elle avait à se répandre sur tous ceux qui l'entouraient, pour être leur consolation et leur soutien. Comme la vie de Jésus avait été la vie de Marie, ainsi la sienne était-elle alors la vie de Madeleine et de Jean, mais elle n'était pas entièrement seule. Elle avait toujours le corps adorable. Tout mort qu'il était, il était pour elle une compagnie merveilleuse. Tout mort qu'il était, il ne ressemblait à nul autre, car il était toujours uni à une personne éternelle et vivante. Ce n'était pas une de ces reliques auxquelles l'amour s'attache et sur lesquelles il pleure, c'était un objet saint, digne de culte et d'adoration. Aussi la solitude de Marie n'était-elle pas encore la désolation, mais, telle qu'elle était, elle était un poids d'affliction que nulle âme que celle de Marie n'aurait pu supporter. Une autre particularité de cette souffrance, c'est qu'elle était plutôt une prostration qu'une agonie. Elle suivait immédiatement les scènes accablantes de la passion. Cette souffrance attaquait une nature qui était d'elle-même sur le point de mourir par l'excès de son martyre, et dont le soutien miraculeux ne se fit jamais sentir sous la forme de soulagement ou de consolation sensible. La main qui soutenait Marie était un soutien caché, tel que celui que la nature divine donna à la nature humaine dans notre Seigneur durant la Passion. Ainsi, Marie sentait à chaque moment comme si elle eût atteint au dernier terme de ce que sa nature pouvait endurer. La souffrance avait entièrement épuisé son âme, et une nouvelle pression devait être la mort. Elle sentait dans son âme cette douleur et cette agitation, qu'une fatigue extrême produit dans le corps. Son esprit était littéralement, et sans figure, fatigué jusqu'à la mort. La vie lui était devenue comme un fardeau étranger. Elle supportait la vie, ce n'était pas la vie qui la supportait. Cet épuisement était plus accablant que la peine, et lui faisait éprouver une détresse plus grande que n'eût pu le faire une souffrance aiguë. C'était l'affaissement qu'on éprouve après avoir subi la torture, et qui n'apporte nul soulagement, parce que la cessation de la souffrance n'est pas sensible, lorsqu'on est entièrement écrasé. On a alors comme une nouvelle existence, capable de souffrir d'une manière tout à fait différente. Cependant, le calme de Marie supporta encore cette épreuve sans être ébranlé. Ce calme ne devint ni stupide, ni passif, ni inerte, comme les victimes de la cruauté le deviennent quelquefois sous l'action de la torture. Il s'acquitta des devoirs qui se présentaient, sans l'énergie fiévreuse ni la précipitation impatiente commune à la fatigue. C'était la paix d'un cœur brisé, mais une paix douce, recueillie, attentive, désintéressée, pleine de majesté, et agissant avec la promptitude silencieuse et la lente assiduité qui indiquent toujours la présence de Dieu dans l'âme. Et, de même qu'au crucifiement Marie était restée debout 3 heures au-dessous de la croix, ainsi maintenant elle restait agenouillée et tenait le corps pesant sur ses bras étendus, avec le même courage, la même bienséance et la même réserve. Jamais âme ne fut aussi abattue que celle de Marie dans la 6e douleur. Jamais il n'y en eut qui demeura ainsi debout dans son abattement. Ne tremblons-nous pas de froid sur les rivages de cette mer glaciale de douleur? Dans cette situation, la bonté même était cruelle, non dans son intention, mais dans ses effets. Ainsi, quand Joseph et Nicodème, Jean et Madeleine, s'assemblèrent silencieusement autour de Marie, pendant qu'elle disposait et embaumait le corps, leur bonté même pouvait lui faire mieux sentir la perte de la compagnie de Jésus. Tandis qu'elle se tenait au-dessous de la croix, elle n'avait aucune pensée pour elle-même. Elle donnait toute sa compassion à son Fils, voyant dans ses propres douleurs le contre-coup ressenti par le cœur divin, et non la compassion qu'elles obtenaient pour elle. Mais elle découvrait maintenant quel soutien cette compassion avait été pour elle pendant tout ce temps-là. Comme il arrive dans toutes les opérations divines, maintenant qu'elle était passée, cette compassion lui apparaissait plus clairement, et le souvenir lui en restait comme une source abondante de douleur et de joie. Celui qui seul pouvait comprendre son cœur était parti. Lui-même l'avait accablé de douleur par la comparaison tacite qu'il avait faite entre lui-même et Jean, quand il avait donné pour fils à Marie l'apôtre en sa propre place. Et maintenant la douceur, la gracieuse tendresse, la douleur affectueuse et la compassion filiale, que Jean montrait, en remplissant le cœur de Marie de l'amour de cette âme virginale, réveillait des souvenirs, et, malgré elle, établissait des comparaisons qui la remplissaient de tristesse, et qui étaient accompagnées de ce triste sentiment qui est en nous le regret, mais qui ne pouvait l'être en elle, parce que, dans les regrets les plus saints, il y a quelque chose qui ne s'accorde pas entièrement avec la volonté de Dieu. En outre, le passé reflétait sur tous ces visages bienveillants qui entouraient Marie. Jean tenait la place de Jésus, et lui ressemblait comme de vrais amis ressemblent toujours à leurs amis. Jésus se lisait dans les yeux de l'affligée et enthousiaste Madeleine, et Marie l'y voyait. Une âme aussi élevée en grâce que cette pénitente séraphique, ne peut manquer de ressembler, même par les traits du visage, à son divin époux. Joseph était ressuscité en Joseph d'Arimathie qui se tenait où l'ancien Joseph s'était tenu si souvent, tout près de Marie tenant Jésus couché sur ses genoux et regardant, comme le premier Joseph, Jésus et non Marie. Nicodème aussi, avec sa myrrhe et son aloès, avait renouvelé l'offrande des trois rois, non plus en prophétie, mais lorsque les aromates étaient nécessaires pour sa sépulture. Et tandis que Marie elle-même oignait le corps de Jésus, elle n'oubliait pas comment Madeleine lui avait déjà oint les pieds par avance pour sa sépulture. Jésus mort faisait le centre de ce groupe, d'où s'élevait comme un nuage de tristes souvenirs, qui enveloppaient l'âme de Marie de leurs ombres touchantes. Il y avait réellement dans cette douleur une intensité paisible bien en rapport avec un état de prostration, et qui contrastait visiblement avec les peines plus actives et plus mobiles d'un grand nombre des douleurs passées. C'était la première douleur, qui, après avoir suivi son cours dans un canal souterrain, sous toutes les autres, revenait alors à la surface, avec son volume permanent d'affliction, sans se détourner, sans impétuosité, dans le simple recueillement de la souffrance. On croirait revoir cette ancienne douleur arriver à son plus haut point, et s'arrêtant un instant avant de se retirer, cette même douleur qui renfermait en elle les 33 années tout entières, reliait l'enfance à la passion, et confondait harmonieusement Bethléem et le calvaire, et la vie que Jésus menait sur la terre dans sa chair visible avec la vie qu'il mène maintenant dans la chair et le sang invisible de son adorable sacrement. Bien plus, dans la scène actuelle, l'enfance et la passion sont présentes et visibles à l'œil, palpables au toucher, et se réunissent pour former le mystère unique de ce corps qui est couché sur les genoux de Marie. Sa passion était écrite, gravée, ou plutôt profondément sculptée sur ses membres. Chaque péché y avait cruellement inscrit sa propre réparation. De la tête aux pieds, des pieds à la tête, on pouvait monter et descendre en suivant le chemin de la croix. Chaque station y avait laissé ses marques, ses monuments d'horreur, ses plaies visibles. Chaque mystère y était représenté, et l'ardente contemplation de Marie donnait la vie à chaque marque, la plainte à chaque blessure, et rallumait dans son cœur désolé et saignant, ces feux de la cruauté humaine qui s'étaient éteints par leur propre violence, même avant la mort et la délivrance de la victime. Oui, voilà bien la sainte enfance, l'enfant sur les genoux de sa mère, l'assistance d'un vrai Joseph, des soins maternels, tels qu'il en faut à un enfant dans sa muette impuissance. C'est la même grâce à séparer la chevelure, à manier légèrement les membres, à les envelopper dans leur dernier lange. L'affliction est maintenant la contrepartie des anciennes joies, ou plutôt la continuation et le complément des anciennes afflictions. À Bethléem, en Égypte, à Nazareth, Marie avait depuis longtemps prévu l'heure présente, et maintenant cette heure est venue. Marie est plongée dans des abîmes incommensurables de douleur, où l'œil peut, à peine l'atteindre, mais c'est visiblement la même mère. C'est indubitablement le même enfant, c'est là le salaire de Marie pour ses soins d'autrefois, étrange salaire. Mais c'est là la voix de Dieu, et Marie la comprend mieux que personne. Hélas! La beauté de la douleur nous en fait presque perdre de vue l'amertume. Tels furent les caractères particuliers de la sixième douleur. Avant tout, parmi les dispositions de l'âme de Marie dans sa patience à endurer cette douleur, nous devons compter la paisible clarté avec laquelle elle voyait et suivait la volonté de Dieu au milieu des ténèbres. Le chagrin auquel on s'abandonne, trouble la vue de la foi. C'est parce que nous nous abandonnons à la tendresse de la nature que nous sommes si peu habiles à discerner la volonté de Dieu, et si peu intelligents pour en interpréter le sens. Lorsqu'au milieu de ses peines, l'affligé appelle les voix de Dieu inscrutables, c'est là le résultat d'un obscurcissement pardonnable dans la lumière de sa foi. Pardonnable parce que nous sommes, faible, et personne ne connaît aussi bien notre faiblesse que Dieu. Les voix de Dieu sont la plupart du temps inscrutables dans la joie, inscrutables surtout pour nous, qui savons ce que nous sommes, et ce que nous méritons. Mais elles sont rarement inscrutables dans la douleur. C'est dans la douleur que nous voyons Dieu le plus clairement. Jamais les nuages qui entourent son trône ne s'écartent autant qu'alors. Un chagrin, considéré avec calme, est en général une révélation. Mais avec la plus légère connaissance de soi-même, comment peut-on n'y voir qu'un mystère? Les merveilles de la passion nous étonnent toujours de nouveau, quoique nous les connaissions depuis notre enfance. Mais Marie ne trouvait rien d'étrange, même dans les réalités terribles qui étaient présentes pour elle et dont la violente pression mettait sa vie en péril. Sa vue était simple, elle se portait seulement sur la volonté de Dieu, et cette volonté venait toujours en temps et en lieu convenable. C'est une habitude particulière de la foi, de voir cette divine volonté comme une chose infiniment naturelle. Pour la foi, cette volonté semble toujours si convenable que nous ne pouvons concevoir rien de plus convenable que ce qui arrive. Il semble presque étrange que nous ne l'ayons pas prévu d'avance. Nous voyons, dans la vie d'un grand nombre de saints, des exemples merveilleux de cette habitude, mais jamais rien de si merveilleux que chez la Sainte Vierge. La volonté de Dieu la plus exigeante, la plus extraordinaire, la plus inopportune en apparence, la trouve toujours préparée, comme si cette volonté était une orbite tracée par une loi connue, de sorte qu'elle n'eut rien à faire que d'y avancer comme une étoile dans la carrière qui lui est propre. C'est pourquoi Marie ne perd pas de temps, elle ne manque de correspondre à aucune grâce, ni d'y correspondre avec générosité et promptitude. La volonté de Dieu était sa seule théologie mystique. Ce fut sa route abrégée vers cette perfection pour laquelle la théologie mystique la plus abstruse ne peut trouver de nom. Une autre disposition que la Sainte Vierge manifesta d'une manière admirable dans cette douleur, c'était l'union de la vénération et de la familiarité. Il n'y a pas de marque plus sûre d'union avec Dieu. Cette familiarité ne peut venir que d'une grande sainteté. On ne peut la soumettre à des règles, pas plus qu'on ne peut établir de lois précises pour les bonnes manières. C'est l'instinct, ou l'éducation, ou une délicatesse naturelle, qui rend un homme capable de se comporter d'une manière parfaite. Ainsi c'est une éducation céleste, un instinct du Saint-Esprit, un raffinement de grâce élevée extraordinaire qui rend un homme capable d'unir la familiarité à la révérence dans ses rapports avec le Très-Haut, mais cela ne peut s'apprendre. Tout au plus peut-on nous former à éviter une familiarité à laquelle, dans notre humble condition, nous n'avons nul droit. Il faut que nous soyons depuis longtemps consommés dans l'amour de Dieu et dans le sentiment de notre néant, avant que les premières indications de cette grâce si rare et si belle puissent se discerner à la surface de notre conduite. Mais quel admirable exemple de cette grâce dans notre Sainte Mère, embaumant le corps de son Fils. Nous pouvons dire combien ce corps lui est cher, quoiqu'elle ne se laisse entraîner à aucun signe extérieur de tendresse. Nous pouvons dire combien ce corps est sacré pour elle, quoiqu'elle ne fasse aucune démonstration visible d'adoration. Nous pourrions presque deviner que c'était le corps de Dieu, au recueillement et à la réserve de ses manières, où elle combine si parfaitement la familiarité et la révérence due seulement à un objet d'adoration. Voyez le visage de Marie, regardez ses doigts, sondez son cœur, et vous trouverez partout la même grâce. Cependant, il y a dans le monde de l'incarnation peu de leçons plus profondes que celle-ci. Marie savait que Jésus était Dieu, et cependant elle osait user envers lui des droits de la tendresse maternelle. Elle vécut avec lui comme sa mère, pendant 33 ans, dans les plus étonnantes relations d'amour familier, et cependant elle ne cessa jamais un seul instant d'avoir présent à l'esprit qu'il était Dieu, et elle n'oublia jamais ce qui lui était dû comme Dieu. Ces deux vérités seules suffisent pour lui ériger un piédestal dont le sommet s'élève même malgré nous au-dessus de la portée de notre vue. Comment atteindre Notre-Dame elle-même? Nous devons aussi remarquer son esprit de réparation, combien il fut attentif, exact, minutieux. Tout l'amour de tous les mondes possibles ne suffirait pas à payer Jésus de retour pour la moindre peine qu'il a soufferte pour nous, ni pour une seule goutte de ces ruisseaux abondants de sang qu'il avait daigné répandre. Comme Dieu, la moindre de ces humiliations est tout à fait hors de la portée de nos compensations. Les saints de tous les siècles ont aimé et adoré d'une manière merveilleuse la passion de Jésus, et par des pénitences surnaturelles aussi bien que par une conformité mystique, ils en ont imité les terribles mystères. Cependant, tout leur amour réuni n'approche pas autant d'une juste réparation envers Jésus que l'adoration de Marie, tandis qu'elle préparait tout pour le sépulcre. Voir de près ce que Jésus avait réellement enduré était tout différent d'une présence à distance aux diverses scènes de la Passion. À cette vue, Marie descendait dans les abîmes de ce mystère, tout près de notre Seigneur lui-même, là où nul saint contemplatif n'a jamais pénétré. La science et son cœur de mère se combinaient pour lire et interpréter, comme ange ni saint ne pouvait le faire, ces terribles documents écrits en dehors et en dedans du corps de Jésus, comme le livre des Échiel des Lamentations, des Chants et des Douleurs. À mesure que ses mains agissaient en embaumant le corps de Jésus, en même temps naissait de la magnificence intérieure de son âme des actes d'adoration et d'amour réparateur. Elle voyait le nombre, le poids, l'espèce et l'aggravation de tous ses péchés, dont chacun trouvait là son expiation propre et distincte, et, pour chacun d'eux et pour tous ensemble, elle faisait la réparation la plus merveilleuse. L'esprit de réparation est l'un des instincts de l'amour divin. Tandis que les anges remplissent à nos côtés leur fonction d'affection vigilante, ils ne cessent jamais de contempler Dieu. C'est ainsi que les serviteurs de Dieu s'avancent dans le monde à la recherche des outrages faits à la gloire divine, afin de les réparer tout en ne s'écartant jamais du sentiment de leur propre culpabilité, qui est comme l'atmosphère de la véritable humilité. Mais Marie, sans avoir le sentiment du péché, avait une humilité plus profondément enracinée que celle de Saint Michel lui-même, le plus ailé des anges, parce qu'il en était aussi le plus humble. C'est pourquoi la réparation, pour elle, était dans une sphère qui lui était propre. Dans une certaine mesure, les saints expient leurs péchés en même temps qu'ils expient ceux des autres. Mais la réparation de Marie était l'adoration d'une âme innocente. De même que le Christ satisfit pour nous, parce que nous ne pouvions satisfaire nous-mêmes, ainsi Marie adorait sa passion, pour nous aussi bien que pour elle-même, parce que nous ne pouvions le faire dignement et qu'elle est notre mère, et que, par le don de notre Seigneur, ce qui est à elle est aussi à nous dans un sens tout à fait réel. Jusqu'alors le temps de la réparation n'était pas arrivé. La place naturelle de la réparation est dans la sixième douleur, alors que l'œuvre de cruauté a cessé et que l'énorme péché du monde est consommé. Tandis que d'autres auraient fait entendre des plaintes, montrer une vertueuse indignation ou fait à grands cris appel à la justice divine, la réparation de Marie était active, silencieuse et tendre. Oh, c'est une joie pour nous de penser que si nos péchés étaient dans les coups de lanière de la flagellation et dans les pointes de la couronne d'épines, nos mains étaient aussi dans les mains de notre Mère, disposant et embaumant le corps de notre Sauveur, et faisant entrer une sorte de guérison posthume dans ces hiéroglyphes rouges et profonds que le péché y avait laissés. Nous avons déjà parlé de la persévérance de la tranquillité de Marie à travers les phases variées de son martyre, mais nous ne devons pas négliger de compter ce calme parmi les dispositions héroïques dans lesquelles elle endura sa sixième douleur. Ce calme est de beaucoup la chose la plus merveilleuse dans la vie intérieure de son âme, autant du moins qu'il est permis à nos regards d'y pénétrer. Il semble n'y avoir aucune louange de sainteté qui ne convienne à une si merveilleuse tranquillité, qui est moins une sanctification en voie de progrès qu'une déification complète de l'âme humaine. De toutes les grâces, cette tranquillité est celle qui approche le plus du renoncement aux imperfections de la créature. L'inégalité, la surprise, la mutabilité, l'inconstance, l'hésitation, le doute, l'instabilité, les chutes, l'étonnement, toutes ces choses sont ce que les géologues appelleraient les pailles de la sainteté dans la créature. Ce sont les empreintes que la faiblesse humaine a laissées sur l'œuvre, avant qu'elle fût achevée et consolidée. Ce sont les marques d'une catastrophe qui est en elle-même une marque de faiblesse. Autant que nous pouvons le voir, la tranquillité incomparable de la Sainte Vierge la préserva de toutes ses imperfections. Il semble qu'il lui ait été communiqué quelques portions de cette paix de Dieu qui, dit l'Écriture, surpasse toute intelligence, et dont l'office spécial envers nous est de garder nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Rien n'explique aussi bien que ce calme céleste la grandeur de la Sainte Vierge. Des exagérations apparentes nous laissent comprendre leur sens et leur liaison, quand on les considère au point de vue de cette tranquillité. Des grâces qui semblent impossibles, quand on en parle isolément, cessent de nous éblouir si on les considère à la lumière de cette paix qui les fait trouver claire, naturelle et douce à force de beauté. Le cœur de Jésus peut seul lire comme il faut l'énigme de Marie, mais nous former une idée juste de cette paix de colombe, de cet esprit presque divinement pacifique, c'est lire, aussi bien qu'il nous est donné de le faire, l'énigme de l'immense sainteté de Marie. Il semble que Dieu l'ait revêtue, par amour pour nous, de son attribut de miséricorde, et, par amour pour elle, de son attribut de paix. La sixième douleur nous donne à nous-mêmes deux leçons. Marie est à la fois pour nous un modèle de dévotion au Saint-Sacrement et un modèle de conduite dans le temps de l'affliction. Nous avons déjà vu comment des allusions au Saint-Sacrement passent continuellement devant nous dans cette douleur. De la conduite de Marie, nous pouvons maintenant conclure ce que doit être notre dévotion à ce redoutable mystère, car la sixième douleur se perpétue, pour ainsi dire, dans l'Église jusqu'à la fin des temps. Comme notre Seigneur est chaque jour offert dans la messe, et que le sacrifice même du calvaire se continue et se renouvelle jour et nuit sans interruption dans tout le monde, de même les services de Marie pour le corps muet et adorable de Jésus se continuent sans cesse sur des milliers d'autels dans la chrétienté et par les mains de milliers de prêtres. Cependant, comme il arrive toujours dans les choses qui nous viennent de Jésus et de Marie, ce qui était pour Marie cruelle souffrance, et pour nous joie, privilège et amour. Lorsqu'elle eut doucement mis de côté, comme de précieuses reliques, la couronne et les clous, avec quelle profonde vénération ne s'agenouilla-t-elle pas pour recevoir le corps de son fils? Ce n'était pas l'attitude d'une mère devant un fils, mais plutôt celle de la créature devant le Créateur. Ce fut d'une adoration divine qu'elle adora ce corps. Elle le tint dans ses bras jusqu'à ce que les autres l'eussent adoré aussi. Ses droits comme mère étaient absorbés dans ses services comme créature. Cependant, le Saint-Sacrement est le Jésus vivant, âme aussi bien que corps, divinité aussi bien qu'humanité. Tout adorable qu'était le corps mort de Jésus, à cause de son union indissoluble avec la personne du Verbe éternel, cependant, le Saint-Sacrement demande de nous, s'il est possible, une adoration plus craintive, plus humble, plus profonde. Nous n'avons pas les droits d'une mère. Nous ne rendons pas un service à Jésus, comme le faisait Joseph d'Arimathie, en lui donnant des soins. C'est nous qui sommes les obligés. Jésus est de nouveau descendu du ciel pour nous trouver. Avec quelle immense vénération devrions-nous donc adorer ce divin sacrement? Notre préparation à la Sainte Communion devrait être pleine du grand esprit de l'adoration. Recevoir la communion devrait être pour nous un acte de saint empressement mêlé de crainte et de silencieuse adoration. Dans nos actes de remerciement, nous devrions être perdus dans la condescendance de Dieu et ne pas nous presser de demander des grâces avant de nous être prosternés devant ce Dieu vivant et incarné qui vient de s'unir si intimement à nous. Nous devrions nous conduire à la messe comme, avec notre foi et notre connaissance actuelle, nous nous serions comportés au calvaire. À la bénédiction et quand nous prions devant le tabernacle, le Saint-Sacrement devrait produire en nous un esprit d'adoration incessante, incessante comme le cri que les séraphins et les chérubins étonnés profèrent continuellement en la présence de l'inaccessible sainteté de Dieu. À cette révérence il faut que nous ajoutions le calme, ou plutôt le calme naîtra de cette vénération. Nous ne devons pas sortir de notre calme afin de rendre notre vénération plus profonde. Nous ne devons pas nous troubler en faisant des efforts. Il faut que nous nous soumettions doucement à être subjugués et captivés dans une paix toujours plus profonde par la majesté présente de Dieu. Il ne faut pas non plus que nous portions nos regards sur nos âmes pour voir si nous adorons, ni nous livrer à aucune réflexion sur les opérations qui se produisent alors en nous. Sous le prétexte de soutenir notre attention, tout cela n'est que de l'occupation avec nous-mêmes, et ne sert qu'à nous distraire de la présence de Jésus. De là vient que tant de communions produisent si peu de fruits. Ce résultat est dû au manque de calme. Une communion faite sans préparation peut à peine jamais être une communion calme. L'objet de la préparation est de débarrasser nos cœurs des images mondaines qui les occupent, et qui, si elles ne sont chassées d'avance, deviendront des distractions importunes au moment même où l'adoration devrait régner en nous, calme et seule. De là résulte que la meilleure préparation à la communion ne consiste nullement dans des efforts pour stimuler nos affections par des considérations dévotes, afin d'échauffer la froideur de nos cœurs et d'élever notre ferveur au degré convenable. Par le fait, il n'est pas en notre pouvoir d'atteindre à ce dernier résultat, car l'ardeur, ou l'ardeur apparente que nous produisons n'est pas naturelle parce qu'elle est violente, aussi est-elle non seulement de courte durée, mais même suivie d'une réaction proportionnée aux efforts que nous avons faits. Un faible feu s'éteint sous l'action du soufflet, lors même que, sous l'action du soufflet, il produit une flamme vive et pétillante, il ne brûle encore pendant longtemps qu'avec lenteur et sans éclat. Aussitôt que le souffle artificiel cesse d'agir. La meilleure préparation est d'un caractère négatif. Elle consiste à éloigner la préoccupation de nous-mêmes, à bannir les distractions, à reconnaître nos besoins, notre pauvreté, notre néant et notre malice, et à venir trouver Jésus dans les mêmes dispositions que dans l'Évangile nous voyons les humbles malades venir le trouver afin d'être guéris de leurs infirmités. Tout ce qui est vide dans nos cœurs, il le remplira quand il y entrera. Plus il s'y trouvera de place pour Jésus, plus il y aura de grâce pour nous. Une communion calme qui n'est accompagnée que de peu de ferveur sensible nous pénètre beaucoup plus profondément que ne le fait une communion qui produit en nous une agréable agitation de grandes pensées. Le calme nous pénètre d'une manière plus élevée et plus surnaturelle. Une préparation de paix est le plus bel ornement d'un cœur dans lequel nous devons renfermer la communion, car en elle-même la présence de Jésus est la paix, et elle opère de plus grandes choses là où elle trouve déjà la paix et où elle n'a pas besoin de perdre de temps à se faire de la place et à chasser des images importunes. C'est de la paix que naîtra l'amour, cet amour brûlant et pourtant humble que demande l'adoration de l'Eucharistie. Notre respect n'était pas ce qu'il devait être, si l'amour ne vient pas à la suite. Mais l'amour de l'Eucharistie doit être le fruit de la paix intérieure et de la tranquillité spirituelle. Très souvent nous aimons moins que nous n'aimerions si nous faisions moins d'efforts pour aimer. Notre foi nous dit des choses si étonnantes de ce divin mystère, qu'il semble que ce soit une honte et presque un péché de ne pas brûler visiblement du matin à la nuit. Jésus lui-même si près de nous, s'unissant si intimement à nous, Bethléem, Nazareth, le calvaire actuellement ici, et nous si froids, si modérés et remplis de sentiments si communs, assurément nous devrions être consumés comme par les feux des séraphins. Cela est vrai. Cependant, malgré cela, nous ne pouvons nous forcer nous-mêmes. Il vaut mieux changer notre mauvaise humeur en haine et en mépris de nous-mêmes que de nous efforcer de créer une véhémence intérieure qui, après tout, n'est point l'amour divin. L'amour du Saint-Sacrement est de tous les jours et de toute la vie. Assurément il n'est pas vraisemblable qu'un tel amour dût paraître toujours, ou même le plus souvent, d'une manière sensible. Allons-nous à la messe les jours de la semaine, quoique cela nous cause du dérangement, sommes-nous ponctuels et respectueux dans notre visite journalière au Saint-Sacrement? Entendons-nous la messe avec une attention dévote? Notre préparation à la communion et nos actions de grâce après l'avoir reçue sont-elles parmi ces actions que nous reconnaissons d'une manière pratique comme étant au nombre des plus importantes de la vie? Renonçons-nous aux promenades, aux plaisirs, aux visites, à l'étude et aux autres choses semblables, ou du moins les interrompons-nous pour aller à la bénédiction lorsque cela nous est possible? Assurément tout cela est une meilleure preuve que l'on plaît à Dieu par son amour pour le Saint-Sacrement que les transports vifs ou le feu le plus ardent du cœur. La persévérance est le véritable feu divin des cœurs. Mais de l'amour doit naître la familiarité. Cependant, comme l'amour lui-même naît de la vénération, il faut que la familiarité soit d'une nature toute spéciale. Cette familiarité ne doit avoir rien de hardi, de présomptueux, de négligent, d'indifférent, ni de trop libre. Elle implique un esprit accoutumé aux visites divines, et qui, par conséquent, lorsqu'elle arrive, ne se trouve pas surpris à l'improviste, n'est pas troublé, excité, intimidé, et n'oublie pas les convenances. Quelques ecclésiastiques sont très versés dans la science si douce d'hériter du cérémonial de l'Église, de sorte que s'ils sont appelés soudainement à prendre part à quelque grande fonction, ils ne sont sujets ni à la confusion, ni à l'oubli. Ils savent ce qu'ils font, ils se mettent à leur place naturellement, ils sont des parties d'un tout, et ne causent aucun trouble, ni d'un côté ni de l'autre, par ignorance ou par précipitation. Ils sont lents, et cependant toujours prêts. Ils sont calmes, malgré l'intérêt qu'ils éprouvent, pleins de dignité et cependant modestes. Leur plus grand mérite est qu'ils se conduisent au milieu du cérémonial d'une manière si naturelle et si peu affectée, que personne ne remarque avec quelle perfection ils ont rempli leur office, Et combien ils sont parfaitement à l'aise au milieu de leurs fonctions. C'est là un exemple de la familiarité spirituelle. La familiarité spirituelle est à l'aise avec Dieu, non qu'elle se sente libre et sans gêne, mais parce que, comprenant son rôle, elle reçoit Dieu avec les honneurs convenables, accomplit avec calme et attention tout le cérémonial que sa présence exige, s'oublie ainsi d'une manière pratique parce qu'il n'y a pas besoin qu'elle songe à elle-même et s'occupe avec vénération, amour et calme de Dieu seul. C'est là la véritable idée de la familiarité sainte. Et, en considérant combien sont fréquentées ordinaires, la messe, la bénédiction, la communion et la visite, nous verrons aussitôt combien la familiarité dont nous nous avons parlé est un élément essentiel de notre dévotion au Saint-Sacrement. Marie ne fut jamais présente qu'une fois à la descente de la croix, et cependant, avec quelle admirable familiarité tous les soins qu'elle donna au Sacré-Cœur n'eurent-ils pas lieu. Comme si c'était encore des incidents journaliers de ses fonctions maternelles de Bethléem et de Nazareth. Enfin, un esprit continuel de réparation doit régner sur toute notre dévotion. C'est le fruit immédiat de la familiarité. En plutôt c'est la familiarité dans l'exercice de cet amoureux respect qui est la base d'où naît toute dévotion. Pour l'esprit dévot, Jésus se présente habituellement comme quelqu'un qui est privé de ses droits. Il subit l'injure et les torts avec les circonstances les plus aggravantes de l'injustice la plus révoltante. Or, en aucun temps, l'amour ne s'échappe des sources profondes et pures du cœur avec un plus généreux abandon que quand l'objet de notre amour a souffert l'injustice. La seule pensée de cette injustice nous affecte si vivement qu'elle donne naissance à un amour tout nouveau, à un amour tel que nous n'en avons jamais senti auparavant, et au sein duquel l'esprit d'abnégation bat comme dans un cœur. Ce que nous éprouvons n'est plus une simple joie qui nous appartienne en particulier, un luxe et un roman de sentiments qui, en enveloppant l'objet de notre amour, reflète aussi sur nous un éclat extraordinaire. L'amour propre est plus chez lui dans l'amour que dans les autres affections. C'est là une vérité humiliante et peu poétique, mais néanmoins, c'est une vérité. Mais que l'objet de notre prédilection soit injurié, aussitôt il nous devient sacré. L'affection prend parfois alors la nature de l'adoration, et alors l'égoïsme ne peut plus y vivre parce qu'avec lui l'adoration est la seule incompatibilité réelle. De là vient que l'amour de réparation est un amour pur et désintéressé. Mais ce n'est pas tout. Non seulement Jésus se présente habituellement comme une personne qui souffre, parce qu'il est privé de ses droits, mais encore comme quelqu'un qui, de quelque manière mystérieuse, a besoin de notre compassion pour le consoler, et de notre réparation pour le dédommager de ses pertes. Cette situation de Jésus décuple la tendresse de notre amour, et si l'on se retrouve soi-même, c'est seulement pour le sacrifice, la générosité, l'action, la douleur et l'abandonnement. L'esprit de réparation est un esprit admirable. C'est dans notre nature une beauté particulièrement propre au service de l'humanité de notre Seigneur bien-aimé. C'est le vrai giron de Marie dans nos âmes, le giron dans lequel devrait toujours reposer le Saint-Sacrement, le corporal pur et blanc de notre amour le plus désintéressé. Telle devrait être notre dévotion pour le Saint-Sacrement, telle elle nous est enseignée par notre Mère, donnant ses soins au corps de Jésus sur le sommet du calvaire. Elle devrait consister dans la vénération, la tranquillité, l'amour, la familiarité et le désir de réparation. Chacun de ces sentiments naissant par ordre l'un de l'autre, en raison de la logique surnaturelle de l'esprit de dévotion. Mais Marie est aussi le modèle de notre conduite dans l'affliction. L'affliction peut être le solide fondement sur lequel un vaste édifice de sainteté surnaturelle doit s'élever, mais elle peut être aussi la plus faible et la plus pâle de toutes les affections humaines, un égoïsme naïf et maladroit, le moins désintéressé de tous les amours, car on ne peut guère douter que l'affliction ne soit une sorte d'amour. Ainsi l'on peut en dire les choses les plus sublimes comme les plus basses. Tout dépend de notre manière de la supporter. L'affliction est une chose difficile à traiter. En aucun temps, notre correspondance à la grâce n'a besoin d'être plus active, plus vigilante, plus remplie d'abnégation que dans les temps d'affliction. Si, une fois, nous nous abandonnons à notre douleur, nous mettons obstacle à une grande œuvre de Dieu. Tout ce qui arrive dans le monde a son utilité pour notre âme. Mais l'affliction est l'instrument avec lequel Dieu finit la statue, et l'anime d'une belle expression. Il est malheureux pour nous de prendre l'instrument dans nos propres mains. Si Dieu condescend à reprendre son œuvre où nous avons cessé, il faut qu'il nous défigure de nouveau par la souffrance afin que nous nous trouvions dans une condition qui lui permette de recommencer son œuvre de grâce. Or, nous avons tous une grande tentation, une tentation qui est d'autant plus grande que nos cœurs sont plus tendres, c'est de nous passionner pour notre douleur, et d'en faire une idole. Souffrir avec patience, nous tenir ferme à Dieu, remplir nos devoirs, rendre notre adversité surnaturelle, porter nos croix, diriger nos aspirations vers le ciel, toutes ces choses sont fatigantes. La sensation qu'elles font éprouver est la même que celle que l'on ressent à gravir un lieu escarpé. On a toute la fatigue d'une ascension, sans la satisfaction de s'élever sensiblement, car il semble qu'on avance nullement. Au lieu que, s'abandonner à l'affliction, céder sans réserve à l'inondation de larmes consolantes, se plaindre, surtout quand on mêle à ses plaintes un grain de religion, comme un grain de poésie, tout cela amène la sensation de soulagement que l'on éprouve en descendant une colline. Et c'est là, en vérité, le chemin le plus directement dirigé vers la terre, qu'un cœur puisse suivre. Ainsi, un homme dont le cœur est tendre devrait autant se tenir en garde contre l'affliction qu'un homme intempérant contre le vin. Il y a dans la douleur une fascination qui peut facilement devenir la ruine de celui qu'elle atteint. Ce qui rend la tentation plus dangereuse, c'est que, lorsqu'on s'abandonne à la douleur, le monde applaudit comme si c'était là une beauté morale, et, qu'au contraire, il regarde avec défiance les efforts que nous faisons pour nous contraindre comme de la dureté et de l'insensibilité. D'autre part, être soupçonné de froideur et d'indifférence, c'est plus qu'un cœur tendre puisse supporter. Il ne sert de rien de nous faire violence pour chercher à retenir nos larmes. Un tel effort nous rendrait malades, sans aucun profit ni pour le corps ni pour l'âme. Il ne déplaît pas à Dieu de voir pleurer ses créatures. Nous-mêmes, nous aimons parfois à voir pleurer ceux que nous aimons. Tout ce que nous conseille l'exemple de la Sainte Vierge, c'est la modération. Soulageons nos cœurs, cela nous rendra moins égoïstes. Mais n'entretenons ni ne caressons, ni ne ravivons notre affliction, et ne nous y abandonnons pas. Car, alors, notre douleur deviendrait une fiction égoïste et voluptueuse, un terrain que le Saint-Esprit ne remuerait pas, parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'or en dessous. L'abandon au chagrin ne se contente pas de s'arrêter à une simple débauche de sentiments. Il va jusqu'au mal réel. Il nous excite à nous dispenser des devoirs que nos mains trouvent à remplir. Il nous semble pénible de travailler lorsque nous sommes dans l'affliction, Et c'est justement cette peine qui rend le travail si céleste. Nous pensons que la douleur nous rend privilégiés, oubliant que nos privilèges ne sont qu'une augmentation de devoirs, et que l'idée la plus solide et la plus vraie que nous puissions nous faire de nos obligations est de les regarder toujours comme des privilèges. Les affaires du monde ne doivent pas s'arrêter à cause de notre douleur. Nous ne sommes que des unités dans une multitude. Nous devons nous mouvoir de l'ouest à l'est avec nos semblables. Il faut que nous rencontrions la vie comme la vie nous rencontre. Il nous faut prendre la joie et le chagrin comme ils viennent. La plupart du temps ils viennent ensemble. L'un et l'autre toujours en mouvement, toujours sans importance. Mais tous les deux sont placés sur la seule route qui nous conduise à l'unique chose qui soit importante pour nous, c'est-à-dire à Dieu. L'idée exagérée de sa propre importance est le ver rongeur de la douleur chrétienne. Il ne faut pas que nous ayons une idée trop grande de nous-mêmes, cependant c'est là ce que les consolations stupides du monde tendent à produire chez ceux qui sont dans l'affliction. Les dispenses que nous nous accordons tendent à un abaissement moral, elles déprécient surtout la souffrance et l'affliction. Notre affliction est une partie du mouvement du monde, parce qu'elle est une partie de notre route vers Dieu. C'est une impulsion et non un temps d'arrêt. C'est une nouvelle activité imprimée à la marche de la vie, et nous ne devons pas laisser notre horloge sans la monter, car la grande horloge marche toujours pendant que la nôtre s'arrête, de sorte que nous ne gagnons rien, mais que nous perdons beaucoup. Nous baissons les jalousies, nous jonchons les rues de litière, nous condamnons les sonnettes, nous marchons doucement, nous foulons le sol légèrement, lorsqu'un malade est dans la maison, mais gardons-nous d'agir de même à l'égard de l'affliction qui est dans nos âmes, car l'affliction n'est nullement une maladie de l'âme. Elle en est la santé, la force et la vigueur. Les péchés d'omission peuvent être plus véniels dans les temps d'affliction, mais ils n'en ôtent pas moins les joyaux de notre couronne et n'en entravent pas moins la générosité de Dieu. La douleur est un sanctuaire aussi longtemps que le moi est tenu dehors. Le moi est le principe profanateur si le temps de l'affliction n'est pas le temps de la moisson de la grâce, assurément il sera un temps de moisson pour le moi. Aussi, lorsque nous trouvons des gens qui s'abandonnent à la sentimentalité de leur douleur, est-il presque certain que nous les trouverons inconsidérés envers les autres? Ils sont les centres autour desquels tout doit se mouvoir. Tout doit se subordonner à leur chagrin, ainsi ils ne font aucune attention aux heures. Ils troublent les arrangements de leur famille, ils font porter aux serviteurs une partie du fardeau de leur misère, ils répandent une sombre atmosphère autour d'eux, ils acceptent les services des autres de mauvaise grâce, comme s'ils y avaient droit parce qu'ils sont dans l'affliction, ou bien comme si c'était des indiscrétions que la politesse seule les força à endurer. Si cela continue, les progrès de la corruption sont si rapides quand l'égoïsme a infecté la douleur, que l'enfance se reproduit dans l'âge mûr ou dans la vieillesse. Nous laissons voir le mauvais caractère, la maussaderie, l'emportement, la vivacité de parole, les répliques puériles, les plaintes insensées, les exagérations emphatiques, les attitudes et les gestes de désespoir. Bref, les fantômes de notre enfance, qui étaient bannis depuis longtemps, reparaissent à mesure que nous permettons au chagrin de nous dépouiller littéralement de notre dignité d'homme. Le chrétien affligé remarque les moindres marques de sympathie et en éprouve de la reconnaissance. Il sent plus que jamais qu'il ne mérite rien, et il est surpris des témoignages de bonté qu'il reçoit. Il pense toujours aux autres dans sa maison, il règle tout en leur faveur et tâche de faire en sorte que le poids de sa croix soit concentré sur lui seul. Il sourit à travers ses larmes, éloigne avec soin le chagrin du son de sa voix, et rend les autres presque gais tandis que son propre cœur est brisé. La douleur d'un saint n'est jamais gênante. Pour les autres, c'est quelque chose de doux, de noble et de beau, ce n'est une croix que pour lui-même. Nous devons aussi éviter soigneusement de demander la sympathie d'autrui, et même, s'il est possible, ne pas la désirer. Quand elle nous arrive, quel en est le prix si nous l'avons demandée? Assurément, la valeur de la sympathie consiste dans sa spontanéité. Elle ne renferme pas de baume si elle est payée comme une taxe. Non que ce soit un mal d'avoir soif de sympathie quand nous sommes dans l'affliction. Nous parlons moins de ce qui est bien et de ce qui est mal que de ce qui est le plus convenable et le meilleur, de ce que Dieu aime le plus, de ce qui rend notre chagrin le plus céleste. Plus nous recevons de consolation des créatures, moins nous en recevons de Dieu. C'est là une règle invariable. Dieu aime la réserve, il aime à venir trouver des cœurs solitaires que d'autres amours ne remplissent pas. C'est là la raison pour laquelle les cœurs délaissés, outragés, méconnus, des cœurs qui se sont détachés de leurs parents et de leurs alliés, du lieu de naissance et du tombeau de leur père et de leur mère sont les cœurs de sa prédilection. Nous achetons chèrement la sympathie humaine, quelque peu qu'elle puisse nous coûter. Dieu est en dehors que notre compagnie se soit retirée. Peut-être ne peut-il attendre si longtemps, car les visites qu'on fait aux affligés sont sujettes à être longues, et il s'en va non courroucé, mais triste, et alors, combien nous avons perdu? Là où se glisse le moi s'introduisent les chimères. De là vient parfois notre horreur de certaines choses qui peuvent être pénibles à voir ou à entendre, mais qui sont nécessaires ou inévitables. De là résulte souvent une grande incommodité pour les autres, et le généreux accomplissement de leurs devoirs dans la maison de douleur devient pour eux plus pénible qu'il n'était nécessaire. Ce sont justement ceux dont l'imagination maladre cherche avec plus d'avidité le bruit et la distraction qui repoussent avec plus de dégoût la réalisation de ce qu'ils avaient rêvé avec le plus d'amertume. Il n'y a rien de cette indigne mollesse de la douleur chez ceux qui sont tout en Dieu. De tels hommes ne cherchent ni n'évitent les ombres de leur chagrin lorsqu'elles traversent leur âme. Ils sont surnaturellement naturels. Et c'est là la perfection de l'affliction. Il faut aussi que nous montrions la dernière docilité à nous soumettre aux arrangements d'autrui. Si cette vertueuse abnégation nous est difficile, elle est, après tout, une partie légitime du sacrifice. L'affliction tend à la bizarrerie, et les efforts sur nous-mêmes nous rendent singulièrement fantasques. Il faut que nous réprimions tout cela, que nous en fassions une partie du sacrifice que nous offrons à Dieu. Si notre douleur pèse une once, joignons-y une livre de sacrifice personnel. Soyons plus sévères que Dieu ne l'est pour nous. C'est là la magnanimité du cœur. Toute la théologie de la douleur peut être réduite à cet argument. Tout nous est donné pour notre sanctification. Et la douleur par-dessus tout? Mais la douleur égoïste est étrangère à la sainteté. L'abnégation doit donc être le fruit de la douleur fécondée par la grâce. À tous ces conseils, il faut que nous en ajoutions encore un autre. Dans notre affliction, nous devons nous abstenir totalement d'attribuer la méchanceté et la négligence à des agents humains. Personne que Dieu n'est en faute, et Dieu ne peut être en faute. C'est pourquoi la faute n'est nulle part. Il y a seulement la volonté divine. La foi ne doit rien voir de plus. Il faut qu'elle ignore les causes secondaires. Elle ne reçoit ses croix que de Jésus, et directement de lui. Elle ne voit, n'entend, ne sent, ne connaît que Dieu seul. L'âme et son père ont le monde pour eux-mêmes. Auquel pouvoir herculéen de patience à souffrir n'y a-t-il pas dans cette sublime simplicité de la foi? Mais ce sont là des leçons pénibles, et l'affliction, à moins d'une aptitude spéciale, est ce que l'on apprend le moins. Cependant, nous ne pouvons guère nous attendre à ce que les leçons de Marie soient faciles, surtout quand elle les donne du sommet du calvaire. Contemplons-la encore une fois, pendant qu'elle enveloppe le corps dans le linceul, combien elle ressemble à un prêtre, combien elle ressemble à une mère. Et toutes les mères ne sont-elles pas des prêtres? Car, à la bien considérée, toute maternité est un sacerdoce. Marie, votre maternité était un sacerdoce tel que le monde n'en avait jamais vu auparavant. Markem.archive.org d'après la numérisation de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.